pose taf. Remsouz Wazakrou. Ok. Patrax prod. Schizophrémie. Remsouz, Remsouz. Bah ouais, j'suis Al. Toujours prêt pour une partout. Si ça reste musical. Amicalement beau, tu de ceux qui se fondent dans la masse. Moi j'm'en fous ton style, mon pote, tant que t'es pas trop à la ramasse. Oui, j'suis le genre de mec qui ose croire en l'être humain. Donc j'hésite pas à prendre le mic pour que tout le monde se serre la main. J'fais un gros travail sur moi, j'suis fan de la sagesse des moines. Oui, notre vie est un combat, pas contre les autres, mais contre soi. Nous on se dit que c'est pas facile, on a pas eu la notice. Ça persiste et ça me fascine, bah ouais, malgré tous nos vices. La solidarité, voilà en quoi j'ai envie de croire. Face au mido, ciré pour moi, représente l'espoir. Qu'un jour tout le monde s'unisse, j'vois avant tout qu'on était rien. J'pense que le plus gros déçu. C'est d'oublier qu'on était rien. Et qu'en même temps on est tout. Qu'à l'échelle de l'univers, se faire la guerre pour nous est flou. Y'a Flelou n'a pas reçu nos verres. Rémi est conscient, Remsouz inconscient. Inconcentré de contradictions, considéré comme un dicton. Indirectement je dis con, n'a du mal à s'en sortir. Mais quand je vois le monde, je me dis qu'on se doit de garder le sourire. Rémi est conscient, Remsouz inconscient. Inconcentré de contradictions, considéré comme un dicton. Indirectement je dis con, n'a du mal à s'en sortir. Mais quand je vois le monde, je me dis qu'on se doit de garder le sourire. Salut à tous, c'est Rémi qui vous parle. Juste un stylo pour atout, pour tout vous dire, mon cœur s'emballe. C'est le brouillon dans mon cerveau, y'a trop de brouillard dans mes pensées. Je vois que le monde ne tourne pas rond, faut que je me débrouille pour le distancer. Je suis en train de planer, frère, faut une guerre interplanétaire pour que l'homme défende la planète Terre. Il n'y a pas de quoi être fier et fort, personne ne fait d'effort. Tout est fait pour que tes choix se déforment, pour que tu perdes la forme. Tu ne peux rien sans toutes tes forces, mec. Ne vois-tu pas que les médias montent constamment, c'est consternant, ne te tue pas. Ouvre les yeux et consciemment, ce qui me concerne. Entre les problèmes concernés et les réponses qu'on cherche, je vois que les vérités coûtent cher, que la musique m'est chère. La terre est un échec, je la changerai pas à mon échelle. Mais au moins j'essaye, j'ouvre mon esprit. À quoi bon sert de rester fermé? Dis quoi, dis c'est spliff, c'est ce qu'il faut pour me faire moi. Rémi est conscient, Remsouz inconscient. Inconcentré de contradictions, considéré comme un dicton. Indirectement je dis con, n'a du mal à s'en sortir. Mais quand je vois le monde, je me dis qu'on se doit de garder le sourire. Rémi est conscient, Remsouz inconscient. Inconcentré de contradictions, considéré comme un dicton. Indirectement je dis con, n'a du mal à s'en sortir. Mais quand je vois le monde, je me dis qu'on se doit de garder le sourire. On m'a toujours dit, n'en vis pas ce qu'ils ont. Rem, j'ai l'impression que tu t'éparpilles. Mais les gars, je suis schizophrène. Dans ma tête, c'est le bordel. On dirait la Jonquera. Je veux pas de pute bombardée, non. Un gros joint ira. Ils racontent tous n'importe quoi. Des langues de bois pour porte-voix. Les porte-voix, comporte-toi mieux que ça, mon pote. Comporte-toi. Les vérités et le respect, leur est spécial tant que tu respires. Désolé s'il n'y a plus d'air pur. Mais on m'a dit que l'oxygène provenait de la verdure. Alors rien à foutre d'être intoxygène si mon état perdure. Je suis perdu, mon con perdu. Je crois que personne ne peut m'aider. Faudrait que je me comprenne dur pour cerner tous mes défaut tranquille. Rémi garde le smile et Remsouz impose le style. Bientôt mon heure sonne et la vie suivra son cours. Tout le monde n'écoute personne, personne ne voit ce qui nous entoure. Ce qu'on encourt et ce qu'on endure, la vie suit son cours. Rare sont ceux qui l'écoutent. Rémi est conscient, Remsouz inconscient. Inconcentré de contradictions, considéré comme un dicton. Indirectement je dis con, n'a du mal à s'en sortir. Mais quand je vois le monde, je me dis qu'on se doit de garder le sourire. Rémi est conscient, Remsouz inconscient. Inconcentré de contradictions, considéré comme un dicton. Indirectement je dis con, n'a du mal à s'en sortir. Mais quand je vois le monde, je me dis qu'on se doit de garder le sourire. Schizophrène dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Rémi est conscient, Remsouz inconscient, concentré de contradictions, considéré comme un dicton, indirect.